Des ailes aux talents, des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien commun, racontés par des écrivains et écrivaines. Baptiste Beaulieu. Cécile se souvient de cette amie qui lui a dit une fois « Tu sais, Cécile, pour ces jeunes-là, avoir leur bac, c'est déjà super. Vous vous rendez compte combien c'est limitant ?» Ils accepteraient ce « c'est déjà super » pour leurs propres enfants, vous croyez ? Des ailes aux talents, un podcast de la Fondation Bettencourt-Schueller, disponible sur toutes les plateformes. La poésie, c'est sincèrement attaché à la beauté des choses, est une grande force de libération. J'avais un petit sac en plastique. Vous croyez qu'ils auraient pu le mettre à la poubelle ? Il y a les cendres de ma mère dedans. Tu veux que je te montre la plus belle chose que j'ai jamais filmée ? Dès que l'imagination matérielle est éveillée... Et ce sac était là, en train de danser avec moi. Un dynamisme nouveau anime le corps et l'esprit. Il y a quelques années, alors que nous étions en plein déménagement de l'appartement de ma grand-mère, j'ai le souvenir d'avoir ouvert une porte donnant sur ce qui avait longtemps été un garde-manger. Transformé en placard géant, rempli de produits ménagers et de vieilles chaussures, j'ai le souvenir d'être alors tombé nez à nez avec des monceaux de sacs en plastique. Rangés par taille, par couleur ou par épaisseur, ils étaient là depuis des années, au moins depuis les années 80 voire 70. Destinés à être jetés, ils étaient pourtant toujours et encore là. J'aurais pu dire que j'étais tombée nez à nez avec une des manies de ma grand-mère, mais non. Plus qu'un décor, ils étaient devenus une partie cachée, mais essentielle de la maison. Et les enlever revenait presque à faire tomber les murs. Car ces petits sacs en plastique, compressibles, rabougris, défraîchis, détenaient en eux l'infinité de tous ces possibles, de tous ces objets qu'on garde au cas où. Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent. Place de la République, à lundi de septembre. 18h30, les voitures n'avancent pas, le soleil a mis son pyjama rouge. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Vous êtes philosophe, enseignant à l'université de Bourgogne, vous êtes spécialiste de Gaston Bachelard et de Paul Ricoeur. Vous avez aussi écrit sur le vivant, « Je est un nous », enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, qui est paru aux éditions Actes Sud cette année, ainsi que sur le développement durable, « Penser le développement durable », c'est paru aux éditions Ellipse en 2009. On s'est vu il y a quelques semaines à ce même micro, Jean-Philippe Pierron, et vous nous avez parlé, enfin on s'est parlé du sac en plastique, j'ai trouvé que c'était une idée formidable. Vous nous disiez que vous aviez plein de choses à dire sur cet objet. Pourquoi le sac en plastique ? Parce que, d'une certaine façon, et au fond, le petit chapeau qui a ouvert notre rencontre le dit, il y a des imaginaires autour de ces objets qui, avant d'être les objets immondes qu'ils sont devenus, sont des objets, en fait, qui racontent des manières de faire société à partir des matières, en fait, que ces sociétés travaillent. Et en l'occurrence, ici, la question du plastique. Et en fait, je trouvais assez intéressant de creuser cet objet, parce que je venais juste, à l'époque où on s'était vu, je venais juste de voir le film de Cyril Dion, Animal. Qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Qui sort aujourd'hui, c'était une avant-première, dans le cadre justement d'Agir pour le vivant à Arles. Et en voyant ce film, le début de ce film, on est sur les côtes de l'Inde, entre Bombay et Pondichéry, et ce qu'on y voit, ce sont des plages entières remplis de sacs en plastique que des humains tentent de pouvoir parvenir à juguler, à contrôler, tant ils ont fini par envahir nos mondes, mais justement sur un mode cette fois-ci effrayant, jusqu'à cet imaginaire aussi du sixième continent, hein, qui à côté font de ceux que nous connaissions dans une géologie stable, eh bien mobilise cette fois-ci un autre milieu, un milieu en fait, ce sixième continent n'a pas la consistance que nous lui connaissons, enfin que nous connaissons pour les autres, mais par contre il a une insistance, c'est le fait que le moindre de nos gestes aujourd'hui, via le fait de jeter les sacs en plastique, à l'inverse de ce que faisait votre grand-mère dans le texte qui ouvre notre rencontre, eh bien effectivement le fait de jeter un sac est devenu un geste qui, mine de rien, a une ampleur à la fois spatiale et temporelle, eh bien qui mérite d'être questionnée. Et donc je voulais, enfin ce qui m'intéressait peut-être comme objet de rencontre ici, c'est comment ces objets de la vie ordinaire quasiment passés à l'insu dans nos manières de faire et qui sont en train pour une part aussi de disparaître, puisque même s'il y a il y a du plastique bashing, mais il y a aujourd'hui du plastique biosourcé et donc une volonté de réinverser, ou en tout cas de revisiter nos rapports à cette matière. Ce qui s'y engage en tous les cas, c'est que le autour du sac en plastique se construit, j'allais dire, ou se revisite la manière que nous avons de penser nos relations avec les autres, avec le monde, avec les milieux. Et donc je trouvais l'objet, enfin le sac en plastique, je voudrais pas en faire la défense illustration, mais de dire qu'il y a quelque chose de très humain dans cet objet, et ce qu'il a de très humain, c'est que c'est en fait un connecteur relationnel. Enfin, c'est un dispositif relationnel qui parfois, en fait, lorsque ça disjoncte, si je puis dire, eh bien, précisément perd cette dimension relationnelle pour devenir cette espèce de réalité immonde qui colonise nos existences et la planète, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que même en termes de pollution, le sac en plastique nous connecte à l'autre bout du monde. Donc ça reste un objet relationnel, même sur un mode négatif. C'est ça. Alors, il nous connecte. Alors, ce que ça dit, c'est effectivement nos relations ne sont pas toujours des relations parfaites et apaisées ou soigneuses. Elles peuvent être aussi brutales. En son temps, Michel Serres, lorsqu'il parlait du malpropre, disait qu'une manière pour nous d'être humains, eh bien, c'est de laisser nos traces, et que finalement, les traces dégoûtantes que nous laissons sont aussi une manière d'empreinte, comme on dit aujourd'hui, on parle d'empreinte écologique, mais effectivement d'une empreinte qui n'est pas cette fois-ci glorieuse. C'est une empreinte, bon, pour une part désastreuse et brutale, mais effectivement une relation. Et donc ce que ça dit, ce que ça peut dire, c'est que penser ce type d'objet comme un peu un idéal type parmi d'autres types d'objets, eh bien, c'est venir re-questionner nos manières de faire relation, et celles qui sont peut-être à revisiter parce que plus tout à fait ajustées. Hein. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille. Pendant qu'on faisait ses devoirs sur la table de la cuisine, les réclames de Radio Luxembourg, comme les chansons, apportaient la certitude du bonheur de l'avenir, et l'on se sentait entouré de choses absentes qu'on aurait le droit d'acheter plus tard. En attendant d'être assez grande pour mettre du rouge baiser et du parfum bourgeois, avec un J comme joie, on collectionnait les animaux de plastique cachés dans les paquets de café, les vignettes des fables de La Fontaine dans l'emballage du chocolat Meunier, qu'on échangeait à la récréation. On avait le temps de désirer les choses, la trousse en plastique, les chaussures à semelles de crêpe, la montre en or. Leur possession ne décevait pas. On les offrait à l'admiration des autres. Elles recelaient un mystère et une magie qui ne s'épuisaient pas dans leur contemplation et leur manipulation. Les tournants et les retournants, on continuait d'attendre d'elles on ne savait quoi après les avoir eues. Le progrès était l'horizon des existences. Il signifiait le bien-être, la santé des enfants, les maisons lumineuses et les rues éclairées, le savoir, tout ce qui tournait le dos aux choses noires de la campagne et à la guerre. Il était dans le plastique et le formica, les antibiotiques et les indemnités de la sécurité sociale, l'eau courante sur l'évier et le tout à l'égout, les colonies de vacances, la continuation des études et l'atome. Il faut être de son temps, disait-on à l'envi, comme une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. En classe de quatrième, les sujets de rédaction invitaient à composer sur les bienfaits de l'électricité ou à écrire une réponse à quelqu'un qui dénigre devant vous le monde moderne. Les parents affirmaient « Les jeunes en sauront plus que nous ». C'était un extrait des années d'Annie Ernaux, interprété ici par Marina Moncade. Elle dit dans ce texte « Le progrès était dans le plastique et le formica ». Avant de revenir sur cet objet relationnel qu'est le sac en plastique, Jean-Philippe Pierron, on peut aussi voir en fait le monde qu'a construit le plastique en tant que tel. On l'entend, les animaux de plastique, l'emballage du chocolat, la trousse en plastique, qui détiennent une forme de mystère et de magie, mais qui est aussi effectivement, comme elle le dit, la promesse d'un progrès de la modernité. Oui, de fait, alors c'est important effectivement de s'intéresser, de s'arrêter un moment sur la question des matières, hein, et donc des matières plastiques, parce qu'effectivement, elle raconte comment, la deuxième et puis bientôt troisième ère industrielle, révolution industrielle, s'engage une révolution dans notre rapport aux matières. On pourrait dire finalement que le plastique en particulier, il est l'illustration de ce qu'on pourrait appeler l'entrée dans le monde et les rêveries en fait des matières administrées. Et ce que j'entends en fait par là, c'est à la différence en fait des matières brutes, non immédiatement transformées, mais qui seront transformées en fait par le geste humain. En fait, celle des matières en fait des activités de type artisanal, avec le plastique et d'autres éléments en fait qu'on pourrait ici ajouter, la bakélite, enfin etc. Le formica dont parle ici Annie Ernaux. Ce dont il est question, c'est le fait que entre le geste de l'humain qui travaille et la matière à travailler, s'installe un process de transformation intime, subtil et extrêmement profond en fait des matières pour en extraire en fait des composés sur lesquels il va falloir travailler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une révolution extraordinaire quand on y pense, parce que les matières qu'on va travailler, ici celles en fait du plastique, ça n'est plus la matière sensible, nourrie, connue par l'intelligence de la main, c'est une matière dont nous connaissons les puissances par la médiation des sciences, des ingénieurs, des chimistes en particulier, et donc finalement les matières brutes se remplacent, sont remplacées par les analyses et les procédés des chimistes, qui font que cette fois-ci transformer la matière, c'est la transformer à une échelle qu'on pourrait dire contre-intuitive, parce qu'effectivement le plastique, les esters, les polystyrènes, enfin etc. Les styrènes, on en reparlera. En fait, toutes ces matières en fait transforment la matière à une échelle qui n'est plus celle que connaissent nos corps. C'est celle que connaissent nos dispositifs industriels, nos processus de transformation des matières. Et donc, alors je dis que c'est une dimension contre-intuitive parce que c'est majeur ceci. Parce que quand on va commencer à utiliser des objets composés d'éléments qui travaillent du point de vue de la structure interne des composants en fait atomiques en fait de celle-ci, eh bien ces objets en fait vont avoir des effets qui nous sont insensibles. En tout cas, sans la médiation de capteurs, sans la médiation d'outils de mesure, eh bien finalement l'impact en termes olfactifs, en termes de pollution, de la décomposition d'un sac plastique, nous devient insensible. Pourquoi ? Parce que précisément, on transforme des matières à une échelle qui n'est plus celle des corps. Et un des problèmes de la pollution, et un problème des déchets aujourd'hui, de ce type de déchets, donc c'est ceux de la production industrielle, c'est que précisément nos déchets ont changé de nature par rapport à l'époque pré-industrielle. Ils ont changé de nature parce que précisément ils n'interviennent plus à la même hauteur. Puisqu'ils interviennent à une hauteur contre-intuitive, eh bien nous ne sentons pas que nous polluons, si je puis dire. Et donc c'est là que là où les sacs d'avant, les sacs plastiques, ceux de peau, ceux de tressés en fibres végétales, ces sacs étaient des objets discrets d'une certaine façon, mais il était composé de matières qui d'une certaine façon étaient empruntées à l'endroit où on pouvait vivre et ils disparaissaient aussi vite d'une certaine façon. Ils avaient une forme d'incarnation, c'est ça ? Ils avaient une incarnation et ils avaient une incarnation effectivement en lien et en relation avec le milieu dont les éléments qu'ils composent étaient extraits. nous sommes, enfin, nous avons fabriqué les objets de cette façon désincarnée. Alors, c'est à la fois extraordinaire. Il y a du génie, de l'inventivité et une forme de grandeur. Enfin, il faut le saluer, hein, aussi. Mais effectivement, ça a des effets tels que un usage massif, intensif et à l'échelle planétaire, en fait, de ce type de dispositif, ça va avoir effectivement des effets qui échappent, dont les conséquences nous échappent, parce qu'effectivement, nous ne les mesurons pas, nous les pouvons les mesurer, mais nous les sentons pas, si je puis dire. Au final, si je vous suis bien, Jean-Philippe Pierron, c'est que le plastique est littéralement plastique. C'est-à-dire que d'un côté, il est universel, mais en étant universel, finalement, il ne ressemble à rien. On ne peut pas vraiment s'y projeter de manière singulière. Ce qui fait que les effets qu'il va avoir ne vont pas être ressentis de manière incorporée. On l'entend d'ailleurs dans le texte d'Annie Ernaux. Ça représente une époque. C'est plutôt l'odeur d'une époque, mais on voit bien déjà que sur le plastique est plaquée une idéologie qui dépasse largement en fait le rapport intime qu'on peut avoir à des objets. Quand elle dit qu'elle devait rédiger des rédactions pour écrire une réponse à quelqu'un qui dénigre devant vous le monde moderne, on voit bien que c'est déjà un discours qui dépasse quelque chose de singulier. Oui, et de ce point de vue, l'idéologie en question, en fait, c'est la catégorie du progrès. Hein. Et donc, peut-être ici qu'il peut être utile de faire une distinction entre l'innovation et le progrès. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fallait être précis, évidemment, l'invention en fait des objets en plastique et la capacité en fait de pouvoir transformer en fait le pétrole et le charbon en fait en ces matières, c'est une innovation technique. Mais une innovation technique, c'est effectivement la mise à disposition effectivement de moyens qui nous rendent efficaces, pertinents en l'occurrence en ayant des matières extrêmement malléables qui jouent avec la pluralité possible des formes. Et ça, c'est à la fois extraordinaire, presque aussi plastique, si l'on peut dire, que l'eau. Hein, mais une innovation n'est pas nécessairement un progrès. C'est-à-dire qu'en fait, la question, ce qu'on appelle le progrès, c'est le nom vectorisé de la lecture qu'on fait de cette innovation. C'est qu'en fait, une innovation n'est pas nécessairement un progrès. Le progrès, c'est la tentative de dire, bien, le fait qu'on généralise ce type de dispositif, ce type d'objets ou ce type de matière ou de matériaux, eh bien, serait en soi la garantie que pour les humains, leur manière de vivre et d'être au monde s'en trouverait grandie et améliorer. Mais ça, effectivement, on change de registre. On n'est plus dans du factuel. On est dans du normatif ou, comme vous le dites, dans de l'idéologique. Et c'est là qu'il va y avoir des guerres possibles, idéologiques, sur les relations que nous pouvons entretenir au plastique comme figure haussée du modèle d'une société dite moderne, adaptée, fluente, etc. Ou, à l'inverse, comme modèle d'une société polluée, mondialisée, inconsciente. Je vous propose, Jean-Philippe Pierron, qu'on fasse un saut en fait, dans le temps des années 50 d'Annie Ernaux, où le monde était un monde de progrès et en plastique, au monde des années 2000-2010, notre monde actuel, qui est pétri de plastique, qui est fait de plastique. Lorsque nous chauffons liquides et gaz, des mélanges vaporeux s'expansent à partir des foyers dans toutes les directions, de manière aléatoire. Les carottages récents des Inland 6 glaciaires savent dater en effet à l'année près le début de l'âge de bronze, grâce aux traces des premiers effluents lâchés dans l'atmosphère par les fours archaïques du Moyen-Orient et dispersés en tout lieu de telle sorte qu'ils furent entraînés par les chutes de neige en ces hautes latitudes. Qui eût cru que dès la préhistoire, la mondialisation commençait. Généralisée, propagée par la révolution industrielle, les techniques de la chaleur accélèrent la montée du local vers le global. Notre savoir-faire s'adonne de plus, depuis un temps assez récent, au façonnage des objets-mondes. Un satellite pour la vitesse, une bombe atomique pour l'énergie, l'Internet pour l'espace, les résidus nucléaires pour le temps. Voilà quatre exemples d'objets-mondes. Peut-on encore les appeler objets? Qu'est-ce donc qu'un objet? Au sens littéral, cela qui est jeté ou que l'on jette devant. Les objets-mondes gisent-ils devant nous? La dimension globale qui les caractérise supprime la distance entre nous et eux. écart qui définissait autrefois justement nos objets. Nous habitons en eux comme dans le monde. Sous l'impulsion d'associations locales, ces volontaires ont décidé de venir nettoyer ce qu'ils appellent la plage de Bangkachao. On collecte à une heure bien précise, à marée haute. Il y a une série de vagues qui amènent tous les déchets sur le rivage. Dans les devoirs religieux bouddhistes, il est écrit très clairement qu'il faut tenir sa maison propre. Sa chambre, sa salle de bain, l'hôtel du Bouddha. Si un bouddhiste vit dans la saleté, c'est un péché. Un jour, on était sur la plage, il y avait plein de déchets partout. Mais on s'est dit que si on se mettait à ramasser, il y aurait à nouveau autant de plastique le lendemain. Alors, ça m'a donné l'idée d'aller voir différentes entreprises et des grandes chaînes pour leur demander d'arrêter l'usage des sacs plastiques au moins une fois par mois. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On pourrait dire à la manière de Michel Serres, hein, dans ce texte qu'on vient d'entendre, interprété par Hélène Losseur, extrait de Hominiscence, que nous habitons dans le plastique comme dans le monde. Alors là, effectivement, on est passé d'un monde de plastique à un monde en plastique. Il y a vraiment un saut dans le temps. On voit bien finalement que le plastique, la matière plastique, le sac en plastique, cette matière de métamorphose est à l'image de ce que nous avons projeté sur elle. Tout d'abord un discours très amélioratif de progrès, de promesses de mieux vivre, et maintenant vraiment l'avenir sombre, les discours catastrophistes, voire de collapsologie. Jean-Philippe Pierron. Oui, de fait, donc on va revenir peut-être sur cette question-là de ces avenirs sombres, mais en fait peut-être s'arrêter un tout petit peu sur ce texte de Michel Serres. Il y a plusieurs éléments. Il y en a un sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Hein, c'est cette idée d'abord que les objets mondes peut-être auraient déjà une histoire bien plus longue que nous le pensions, puisque la révolution néolithique, voire paléolithique, dirait quelque chose. Et donc on reviendra. Enfin, moi je trouve c'est intéressant de réfléchir sur la question du geste des chasseurs-cueilleurs qui avaient besoin de sacs, qui nous rappellent que nos propres gestes, nous utilisant en fait des sacs en plastique en particulier, partagent peut-être avec nos grands ancêtres, hérite de cette histoire, hein. Avec nos grands ancêtres aurignaciens, en fait, des rapports et des relations de cueillette. La question, c'est que sont devenues nos cueillettes. Mais n'en parlons pas tout de suite. Mais il y a quelque chose de très originaire quand même dans ce geste de remplir un sac. Mais dans le texte de Michel Serres, il y a aussi cet aspect important de l'objet monde. Et effectivement, quand on pense objet monde, quand Michel Serres en fait théorisait ce concept, il avait tendance à insister sur des objets assez fabuleux, comme le sont les satellites, la bombe atomique, Internet et les résidus nucléaires. C'est voilà, vrai. Voilà, c'est ça. Et le sac plastique, en proportion, on peut paraître minuscule, si ce n'est ridicule. Pourtant, en fait, quand il construit ce concept d'objet monde, il dit d'abord une première chose, c'est qu'effectivement, une des caractéristiques des objets techniques de l'époque contemporaine, c'est qu'ils sont capables d'emprunter à la planète une de ses dimensions, soit spatiale, soit temporelle. Et c'est-à-dire en fait que nos objets techniques nous mettent à la hauteur. Mettre nos gestes, si on peut dire, à la hauteur de la surface de la planète, où nos gestes humains deviennent des gestes grandeur nature. Et en l'occurrence, jeter un sac en plastique, pour prendre cet exemple, eh bien, c'est un geste qui emprunte à la planète, finalement, une de ses dimensions, une double dimension, à la fois une dimension temporelle et une dimension en fait spatiale. C'est le deuxième l'archive qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que du point de vue géographique, un sac en plastique jeté ici, eh bien, nous rend les contemporains spatialement de ceux qui se trouvent de l'autre côté de la planète lorsqu'ils arrivent sur les rivages en fait de l'Inde, par exemple. Donc, il s'agit d'une une plage thaïlandaise. Hein, c'était un reportage diffusé sur RFI le 10 octobre 2019. Mais finalement, c'est des images qu'on a tous en tête. C'est-à-dire ce qu'on fait ici en France ou très localement à Paris. Paris quand on jette son sac en plastique se répercute à des millions de kilomètres à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc effectivement, donc il y a cette dimension spatiale, hein, et puis il y a la dimension temporelle, parce qu'effectivement le temps de dilution et d'absorption et de disparition en fait des microfibres ou des microstructures éléments en fait du plastique, c'est un temps géologique. Ce qui fait que le moindre de nos gestes, de ce point de vue-là, emprunte à la planète cette double dimension. Et donc le sac en plastique devient pour nous à la fois un connecteur spatial et temporel qui emprunte à la planète sa dimension. Et d'où le, et c'est là que j'en viens vraiment à répondre à votre question, c'est que ce qui se passe en fait finalement avec ces dispositifs techniques, c'est que effectivement nous ne sommes plus avec ces dispositifs comme devant des objets, hein. Nous sommes en eux, c'est-à-dire que nous avons intégré le type de logique en fait qui le rend possible. Alors Michel Serres n'était pas phénoménologue, hein, c'est pas Heidegger, hein, mais au sens où en fait Heidegger va insister sur l'idée que ce que fait la technique moderne, c'est de nous faire... Enfin, nous ne sommes plus devant la technique, mais nous sommes dans les catégories de la technique. Nous sommes devenus techniques. Voilà, nous machinons, hein, en même temps que nous machinons le monde. Hein, nous la raisonnons, comme il le dit. Mais finalement, cette question de la raisonnement, eh bien, elle trouve son expression dans l'objet monde sac plastique ou dans le continent, au sixième continent, qui effectivement a une manière métaphorique, mais pas que métaphorique malheureusement, de dire effectivement que l'activité humaine, aujourd'hui, non plus à l'échelle simplement personnelle mais collective, eh bien est une activité eh bien qui est, effectivement opère grandeur nature, bon, et toute la thématique de ce qu'on appelle anthropocène à sa façon, eh bien déploie cette perspective. Ce qui est intéressant, c'est vrai que quand on jette un sac en plastique ou quand on en prend un machinalement au supermarché, on ne se pose aucune question, alors qu'il faut quand même dire effectivement que un objet monde tel que le sac en plastique a une histoire assez longue, a se déploie dans un espace très très large, planétaire. J'aimerais quand même signaler, Jean-Philippe Hieron, que le sac plastique a aussi une histoire beaucoup plus courte. Il a été quand même créé en 1956, là, par la firme Dupont. Ça a été présenté vraiment comme des sacs à main à même d'assurer l'hygiène et la propreté. En 58, donc 2 ans plus tard, la production dépasse le milliard, car finalement, la communication de ce sac plastique était fondée sur le fait que ce soit réutilisable, que ce soit vraiment un sac à la fois hygiéniste et en même temps qui permettent d'avoir de multiples possibilités d'usage, un petit peu comme ma grand-mère qui les gardait au cas où, finalement, au cas où j'en aurais besoin, au cas où j'en aurais à la fois besoin pour mettre des chaussures, du linge ou mes courses. Et il faut signaler là que cette histoire, en fait, se poursuit en 1959, donc 3 ans après la création, car plusieurs morts apparaissent dues par étouffement avec ces sacs plastiques. Et là, la firme décide de communiquer de manière inverse sur les sacs plastiques. Les sacs plastiques ne sont plus réutilisables mais deviennent jetables. Et on voit bien en fait que quand on jette un sac plastique, on est à la fois hérité d'une histoire longue mais aussi de cette histoire très courte où en fait on a appris à jeter ce qui normalement devait être réutilisé. Ce qui là aussi est paradoxe, c'est-à-dire que quand on jette finalement, on fait mécaniquement un geste qui a une histoire qui est celle de gaspillage littéralement. Oui, alors, en fait, ce que vous dites en disant cela, c'est comment nous humanisons, si je puis dire, les relations que nous entretenons avec les matières et avec nos objets et avec nos dispositifs techniques. La publicité à sa façon, mais les cultures, dans leur diversité, font ce travail de faire en sorte qu'un objet technique abstrait devienne inscrit dans le caractère le plus concret et singulier en fait d'une société et d'une culture. Plier des sacs en plastique, les collectionner. Un ami, lui, qui était architecte, qui collectionnait les sacs en plastique avec les effigies des monuments en fait qu'on trouvait dans les villes. Les Japonais qui plient à la manière presque d'un origami en fait leurs sacs en plastique, inviterait effectivement à faire une ethnographie du rapport que nous entretenons avec cet objet, c'est-à-dire qu'en fait du sac en plastique devenu matière impersonnelle abstraite, comment nous la l'humanisons. Et là je trouve que peut-être ça serait intéressant de mobiliser les, moi j'aime bien la pensée ici de Simondon, lorsque Simondon donc Gilbert Simondon, qui est l'auteur du livre du mode d'existence des objets techniques. Voilà, un des rares philosophes des techniques, hein, il en faut, enfin, c'est important, parce que les philosophes des techniques, c'est pas la même chose que les philosophes des sciences, hein. Et donc, Simondon, faisait une distinction entre ce qu'il appelait les objets techniques abstraits et les objets techniques concrets. Et en fait, il dit, donc, de cette façon, peut-être que un objet technique abstrait, qu'est-ce que c'est? C'est un objet technique qui, pour pouvoir opérer et fonctionner, impose au monde sa logique et ses conditions d'usage. Le modèle typique de ça, c'est l'aéroport, quoi. En fait, pour pouvoir faire décoller et atterrir des avions, eh bien, on plaque et on impose sur un monde, eh bien, les contraintes du dispositif technique. Alors qu'un objet technique concret, c'est un objet, en fait, qui intègre toutes les relations qui le rendent vivable, individuable et individué, et qui en fait un objet de culture, voire presque de culte, parfois, comme ça a pu être le cas au moment où effectivement on en faisait l'icône de sac en plastique, l'icône du progrès. Et donc, je dirais en fait que le passage de ces objets techniques, un milliard c'est beaucoup, mais quand on les produit en dizaines de milliards, bien à un moment donné, ils redeviennent en fait des objets techniques abstraits, est tellement abstrait qu'ils peuvent parfois tenir lieu propre de monde jusqu'à nous étouffer aux deux sens du terme, j'allais dire étouffer au sens individuel lorsqu'ils sont dangereux, mais nous étouffer à l'échelle planétaire en étouffant toutes les formes de vivants, y compris les non-humains, parce que justement à un moment donné nous n'avons pas piloté leur développement. C'est ce que encore Michel Serres dit en disant que nous avons une maîtrise technique des matières, mais il nous faut une maîtrise de notre maîtrise. Et cette maîtrise, elle est éthique et elle est politique. Alors, une des manières de maîtriser techniquement et poétiquement le sac en plastique, c'est peut-être de revenir, Jean-Philippe Pierron, à ce qu'est cette matière plastique. Vous nous avez conseillé ce court-métrage réalisé par Alain René en 1958. Ça s'appelle « Le chant du styrène ». Écoutez, c'est vraiment drôle et passionnant. Au temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? En partant d'un objet, retrouvons ses aïeux. Qu'à l'envers se déroule son histoire exemplaire. Voici d'abord le moule, incluant la matrice. Être mystérieux, il engendre le bol, ou bien tout ce qu'on veut. Mais le moule est lui-même inclus dans une presse qui injecte la pâte et conforme la pièce. Ce qui présente donc le très grand avantage d'avoir l'objet fini sans autre façonnage. Le moule coûte cher, c'est un inconvénient, mais il peut resservir sur d'autres continents. Alors c'était donc un court-métrage d'Alain René. En fait, c'est la mise en image du poème éponyme de Raymond Queneau, donc le chant du styrène. C'est vrai que là, on peut presque adopter une méthode à la Gaston Bachelard, c'est-à-dire vraiment, au lieu de revenir sur toutes les imageries qui colle à la peau du sac en plastique, revenir en fait à un imaginaire de la matière. Et là, c'est ce que permet effectivement ce court-métrage. Oui, de fait, alors ce texte de Raymond Queneau, en fait, il est aussi lié à, en l'occurrence, peut-être que les vacanciers qui prennent l'autoroute qui va de Paris à Marseille lorsqu'ils quittent Lyon voient sur leur droite les grandes raffineries de Fezzan, et donc le film est tourné en fait autour de ces raffineries, et donc effectivement le chant du styrène, alors il est à la fois, enfin d'abord c'est amusant parce que effectivement il y a aussi bien évidemment une assonance autour de la question du chant des sirènes, hein, et donc il dit à la fois toutes les promesses et en même temps toutes les promesses peut-être inquiétantes en fait dont les matières plastiques sont porteuses. Mais effectivement, ici, avant les jugements de valeur, ou en tout cas avant les valorisations ou les dévalorisations éthiques ou politiques en fait de ces matières, il y a d'abord le temps en fait de la rêverie autour de celle-ci. Et donc, effectivement, Bachelard, lorsqu'il parle d'imagerie, d'imagination matérielle, dit qu'en permanence, l'imagination, elle est activée par les matières qui la suscitent. Et donc, alors, lui, il pense, je pense ici en particulier à son texte qui porte sur ce qu'il appelle la rêverie de la volonté, hein. Donc la terre et les rêveries de la volonté. Et il y a en fait dans sa réflexion sur les rêveries de la volonté une réflexion sur le dur et sur le mou, en disant qu'effectivement les rêveries du dur ou les rêveries du mou ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Et donc effectivement avec le sac en plastique, on est effectivement devant du malléable, du transformable, du susceptible de pouvoir se laisser aller à la fois à tous les types de pliages possibles, mais à se laisser engouffrer par le vent et être habité par la légèreté de celui-ci. Enfin, donc on a ici une matière qui, de cette façon, est vivante parce qu'elle avive, eh bien aussi des relations très, très à la fois sensibles, singulières avec le monde, dans ces interactions avec le monde. Toute seule, quand on laisse parce qu'en fait, il y a des films ou des séquences de films où on voit parfois des longs plans en fait sur des sacs en plastique habités par le vent. On en a entendu au tout début. Voilà. Il y a American Beauty, effectivement, le film de Sam Mendes où le personnage montre ce sac qui virevolte. C'est aussi la chanson de Philippe Catherine d'ailleurs. C'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, cette dimension-là, elle a une manière de dire que on peut cultiver les partialités avec ces matières et que même avec le sac plastique, et c'est peut-être ça que nous avons perdu, hein, ou peut-être ça qui a été abîmé, c'est que ce sont devenus des objets tellement ordinaires, tellement sans valeur, d'une certaine façon, parce que nous ne reconnaissons plus le génie d'une certaine manière dont ils sont porteurs, eh bien nous les avons désinvestis de toutes les partialités qui peuvent en faire. J'ose le dire, hein, j'ai parfaitement conscience de ce que ça peut avoir de problématique de le dire comme ça, mais de dire que ces objets sont aussi des objets qui peuvent donner à rêver. Hein. Et bien sûr, des rêveries heureuses, et Bachelard est plutôt le philosophe des rêveries heureuses, mais celle effectivement donc de la légèreté, de la plasticité des formes, du glissement d'une forme en l'autre, avec cette possibilité par la puissance de la déformation, eh bien d'habiter des pluralités de visages, si l'on peut dire. Mais il y a effectivement des rêveries malheureuses, hein. Celle justement liée à la question de la déchéance de la forme, hein, parce que finalement le déchet, le mot le rappelle, hein, il porte en lui l'idée d'une chute, hein, et d'une chute de quoi ? Eh bien d'une chute de la forme vers l'informe, hein, et donc les rêveries cette fois-ci de l'informe, c'est celle effectivement d'une dilution de la matière, mais qui perd ses consistances, qui perd ses puissances de suscitation, se diluer. Mais au sens négatif ici en fait du terme, et se diluer de manière inquiétante. Ce qui explique pourquoi peut-être on a, lorsqu'on pense la question en fait du déchet, mis du temps à le penser, hein. Platon en son temps disait qu'il n'y avait pas d'idée de la boue, hein, en fait il n'y a pas d'idée de ce qui est a priori en ruine ou informe, hein. En tout cas ce qui n'est pas informé, hein. Mais effectivement ce que ça dit, et Bachelard peut être intéressant pour ça, c'est de dire effectivement qu'avec suivre des rêveries inquiétantes autour de la déformation jusqu'à la déchéance en fait du sac en plastique, c'est comment on passe du déchet donc à la chute, hein, vers le rebut, et du rebut jusqu'au rien, hein, c'est-à-dire en fait sur des enjeux aussi de type ontologique, c'est-à-dire qu'une forme de néantisation possible, hein. Ce qui est intéressant avec le sac en plastique, c'est qu'on dirait qu'il contenait dès le départ cette opposition, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une forme de chute dans le temps. Alors effectivement, historiquement, il y en a une, puisqu'il a été vraiment plébiscité, puis maintenant le sac en plastique est rejeté, mais on a presque l'impression que dans la matière même du plastique, il contient à la fois sa force et ce qui va faire déjà sa chute. Je vous propose d'écouter justement à ce propos, Jean-Philippe Hiéron, un extrait des Mythologies de Roland Barthes sur le plastique, qui explique très bien cette ambiguïté de la matière plastique. Plus qu'une substance, le plastique est l'idée même de sa transformation infinie. Il est, comme son nom vulgaire l'indique, l'ubiquité rendue visible. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il est une matière miraculeuse. Le miracle est toujours une conversion brusque de la nature. Le plastique reste tout imprégné de cet étonnement. Il est moins objet que trace d'un mouvement. Et comme ce mouvement est ici à peu près infini, transformant les cristaux originels en une multitude d'objets de plus en plus surprenants, le plastique est en somme un spectacle à déchiffrer. Celui-là même de ses aboutissements. C'est que le frégolisme du plastique est total. Il peut former aussi bien des sceaux que des bijoux. D'où un étonnement perpétuel, le songe de l'homme devant les proliférations de la matière, devant les liaisons qu'il surprend entre le singulier de l'origine et le pluriel des effets. Cet étonnement est d'ailleurs heureux, puisqu'à l'étendue des transformations, l'homme mesure sa puissance, et que l'itinéraire même du plastique lui donne l'euphorie d'un glissement prestigieux le long de la nature. Mais la rançon de cette réussite, c'est que le plastique sublimé comme mouvement n'existe presque pas comme substance. Sa constitution est négative. Ni dur ni profond, il doit se contenter d'une qualité substantielle neutre, en dépit de ses avantages utilitaires, la résistance, état qui suppose le simple suspens d'un abandon. Dans l'ordre poétique des grandes substances, c'est un matériau disgracié, perdu entre l'effusion des caoutchoucs et la dureté plate du métal. Il n'accomplit aucun des produits véritables de l'ordre minéral, mousse, fibre, strate. C'est une substance tournée. En quelque état qu'il se conduise, le plastique garde une apparence floconneuse, quelque chose de trouble, de crémeux et de figé, une impuissance à atteindre jamais au lys triomphant de la nature. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Philippe Pierron, que Roland Barthes, avec cette mythologie sur le plastique, mythologie qui date de 1957, interprétée ici par Hélène Losser, est-ce qu'on peut dire que Roland Barthes prolonge les rêveries proposées par Gaston Bachelard sur la matière et nous propose justement en un instant à la fois cette rêverie heureuse de la plasticité du mouvement et en même temps cette rêverie malheureuse de l'absence de substance et de matériaux disgraciés? Oui, c'est un air de famille intéressant. Alors, il ne faudrait pas ici être trop technique, mais ça poserait la question du statut que Barthes reconnaît à l'imagination et peut-être distinct en cela de celui qu'on trouverait en fait chez Bachelard, et notamment sur la place. Mais ce qui est étonnant dans ce texte, c'est qu'effectivement, on a un Roland Barthes qui emprunte quasiment en fait des catégories forgées par Bachelard, et notamment celle sur les rêveries de la volonté, du dur et du mou, en disant qu'effectivement, avec le plastique, on n'est pas devant la grande méditation des substances de la volonté et d'une volonté qui s'affronte de manière ferme, consistante, brutale, violente, à des matières comme le fer, le métal ou la pierre ou le granit. C'est enfin bref, ce que Bachelard dans d'autres textes appellerait par exemple le lyrisme du forgeron ou du sculpteur. Et là, effectivement, avec cette méditation rêverie, mythologique, c'est tout le sens en fait de que veut dire ici mythologie, chez Barthes. Alors, il en fait une lecture, c'est ça que je dis, peut-être la différence avec Bachelard, c'est que sa lecture est plus structurale que le projet en fait bachelardien, qui est plus phénoménologique, si on voulait le jargonner un tout petit peu. Mais donc c'est ça, sans doute là en fait qu'il y a un point de différenciation. Mais sur le fond, ce que touche ici de manière très très forte finalement Roland Barthes lorsqu'il parle de l'ordre poétique des grandes substances, c'est qu'effectivement il y a une matière en minuscule qui sont ces matières en fait qui sont tellement mises à notre disposition aisément en fait par nos dispositifs techniques que nous n'en trouvons plus de grandeur, mais aussi parce qu'effectivement elles sont aussi marquées par ces rêveries sur l'affluence, au sens du fluent, pardon. Ces rêveries, donc sur ce que Bachelard appelle les rêveries en fait des pâtes, du visqueux, du mou, qui effectivement mobilise un autre travail de la volonté, celui de la capacité de suivre des mouvements. Donc autrement dit, c'est pas ici une volonté agonique, une agonistique, une volonté brutale, mais une rêverie de la volonté en fait qui suit des formes, qui se joue des plaisirs des formes. Et peut-être que la grand-mère qui pliait ses sacs en plastique trouvait peut-être dans ce geste de les plier, un jeu avec les formes qui avaient dans sa discrétion, puisque ses portes de placard n'étaient peut-être pas beaucoup ouvertes, eh bien, dans sa discrétion, trouvait une manière de s'entretenir avec le monde via le soin porté à ses matières. Et je trouve que c'est ça qui me paraît à la fois très beau et très fragile. C'est que nos rapports aux matières sont des rapports relationnels, sont pas des rapports utilitaires. Bien sûr, il y a une fonction utilitaire de ces objets, mais qui disent une manière de scénographier nos relations avec le monde. Et lorsque celles-ci, on les abîme, lorsqu'on en prend plus soin, eh bien, on fabrique ce que nous sommes en train de fabriquer, c'est-à-dire qu'effectivement, des gestes polluants, à l'insu de notre plein gré, comme dirait le philosophe cycliste. Alors, justement, sur cette idée de relation, on peut dire que c'est à la fois une relation au monde, Jean-Philippe Pierron, mais on peut aussi dire que c'est une relation à l'autre. On a parlé d'objet-monde, c'est-à-dire que ce qu'on fait localement va avoir un effet global sur d'autres populations. C'est-à-dire que des populations thaïlandaises se retrouvent à ramasser les déchets produits par d'autres qu'eux-mêmes. Mais on peut aussi dire que ça peut produire des formes de relations en fait avec l'autre, c'est-à-dire le sac, et vous en avez parlé, c'est aussi ce rapport à la cueillette avec un sac en plastique. C'est pas tant d'ailleurs le plastique que l'idée de contenir, mais avec cette idée de sac en plastique se joue quand même quelque chose de plus qu'un simple sac. C'est que finalement il y a presque quelque chose de démocratique dans le plastique. Donc on va avoir un partage qui va être beaucoup plus large. On va prendre ça au supermarché. Le supermarché, c'est vraiment en fait un lieu, quoi qu'on en dise, non pas seulement de consommation mais aussi de sociabilité. L'enjeu en fait du sac en plastique, si on voulait sans être trop dans l'emphase, il vient du fait que le type de vivant que nous sommes a besoin pour être d'aller au dehors de lui-même pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc nous sommes par définition des êtres relationnels parce que nous sommes des créatures de la soif et de la faim qui avons besoin d'aller cueillir pour pouvoir subvenir en fait à nos besoins. Mais en même temps, là où certains animaux le font en ayant des sacs internes, si je peux dire, des poches stomacales multiples comme le sont les ruminants, nous avons extrait notre puissance de relation avec le monde en inventant des dispositifs techniques qui sont par exemple les sacs, qui sont des manières d'entretenir ces relations, mais dans la logique de la cueillette, peut-être au risque de l'accumulation et de l'accumulation en fait exagérée, mais qui disent effectivement que le sac, il est un lieu d'intimité, un lieu de recueil du monde, mais en même temps une relation possible avec celui-ci, une manière de fabriquer en fait des interactions avec ce dernier. Et donc la question, c'est comment faire en sorte que ces interactions soient réglées, soient mesurées et pas démesurées. Donc, mais ce que ça dit, effectivement, c'est qu'à la manière, enfin à cette manière, si on pouvait le dire, je pense à cette œuvre d'un plasticien là, qui s'appelle Supermarket Lady, qui insistait sur le fait qu'effectivement, les espaces pour nous, des urbains que nous sommes devenus, les espaces de cueillette, sont ceux, heureusement et malheureusement, en fait, des supermarchés, où effectivement, la question de la cueillette, il y a encore un geste de cueillette, d'une certaine façon, mais pris dans les logiques industrielles en fait du capitalisme moderne. Dans la forme dominante de la cueillette, les femmes sortent du camp, font la cueillette et ramènent le produit de la cueillette au camp. Alors là-dedans, il y a plusieurs idées importantes. C'est d'abord que il faut ramener au camp. Pour ramener au camp, les bras chargés de noix, ça ne peut pas contenir énormément de noix. Donc il est très probable qu'un des premiers instruments qui a été inventé, c'est un instrument pour ramener, pour contenir toutes ces noix. Bon, un instrument technique, bon, probablement des paniers, des choses comme ça, mais qu'on ne peut pas retrouver compte tenu du haut degré d'antiquité. La deuxième idée, c'est qu'on ramène au camp. Et ça, c'est assez bien attesté par les fouilles archéologiques. C'est que l'homme, c'est un animal, si on peut dire, qui a un camp. Et il ramène au camp, sans doute pour partager. C'est-à-dire que même la forme de la cueillette est liée à un certain partage, ne serait-ce qu'un partage entre les femmes qui cueillent et puis les hommes qui chassent. Si on admet que cette division du travail était aussi valable dans les temps très anciens. C'était la voix de l'anthropologue Alain Testard dans une archive du 11 juillet 1979, Les Nuits Magnétiques sur France Culture. On entend bien cette idée de la cueillette à la fois de l'invention du sac pour contenir et ramener les noix. Alain Testard parle ici des noix, mais aussi l'idée que ce sac va permettre après, en fait, un partage sur le camp avec les autres personnes, le partage de la nourriture. Finalement, c'est quelque chose qu'on ne se dit pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on prend un sac plastique au supermarché, quoi qu'ils n'en vendent plus, mais disons ce qui nous reste de sac plastique, quand on s'en sert, on n'a plus du tout cette idée-là, en fait, que finalement notre geste s'inscrit dans une histoire. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi finalement qu'on peut peut-être avoir un rapport presque un éco-geste, c'est-à-dire avec le fait de questionner ce rapport banal, mais qui a une portée pas seulement polluante, mais en fait finalement qui pourrait être écologique. Oui. De fait, ce qui est très beau dans cette cueillette sonore, c'est d'abord, là aussi sans être trop lyrique, mais il y a une communion des gestes humains. Qui plonge dans une mémoire très très longue, hein, ce qui fait que qui a inventé les premiers gestes de cueillette, on sait pas, mais nous sentons bien que nos propres gestes d'aujourd'hui, du 21e siècle, ont une mémoire partagée presque originaire avec les premiers gestes des humains, je disais orignaciens en fait tout à l'heure. Donc il y a une dimension d'originarité, hein, d'originaire. Mais effectivement, ce qui se joue avec le sac plastique, et de ce point de vue-là, c'est peut-être c'est une différence majeure, hein, c'est que en raison des matières qui le composent, ceux-ci ont des impacts, qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'échelle planétaire. Et donc le concept d'éco-geste, il est intéressant pour ça, parce que c'est sans doute ce que nous sommes en train de vivre à l'époque contemporaine, c'est que nous intériorisons que nos gestes ont une ampleur monde. Que le moindre de nos activités, d'une certaine manière, peut avoir en fait des effets à la fois extrêmement, des effets à très long terme et à la fois à très longue distance, comme le fait de jeter un sac en plastique. Et donc, il ne s'agit pas d'abord de moraliser, mais de constater qu'effectivement, s'il y a un tel impact de ce geste-là, eh bien, nos gestes ordinaires, et finalement, cueillir ou jeter, sont des opérations banales, triviales, quotidiennes, réitérées un très très grand nombre de fois. Eh bien, ce qui se joue, probablement, c'est d'inventer une nouvelle civilisation des mœurs. Il ne s'agit pas tant de réhabiliter le sac en plastique, c'est-à-dire d'en avoir plein, justement. Vous n'êtes pas en train de dire ça, Jean-Philippe Piron, mais au contraire, peut-être, justement, de prendre plus soin du peu de sacs plastiques qui nous restent, en tout cas. Voilà, et puis de prendre la mesure que effectivement ce qui rend possible la cueillette, si on veut continuer encore celle-ci, ce qui la rend possible, donc via la figure en fait du sac, eh bien nous articule avec plus vaste que nous. Et donc prendre la mesure de ça, c'est pas être écrasé par une responsabilité en fait qui nous serait impossible à honorer. Presque, par exemple, sur les petits gestes, voilà, individuellement, régler le problème écologique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, une des grosses questions, alors c'est bien sûr toujours la question des changements d'échelle entre les gestes personnels, les changements de civilisation en fait qu'il mobilise. Mais justement, quand quelqu'un comme Norbert Elias parlait de civilisation des mœurs en questionnant les révolutions des manières de table à l'époque de la Renaissance, il questionne effectivement comment l'introduction d'un objet, en l'occurrence, lui à l'époque, c'est la fourchette et le mouchoir, eh bien modifie des manières de civilité. Eh bien nous, avec l'irruption et l'arrivée en fait massive de ces objets techniques en plastique, qui sont en train de changer autour de la question du biosourcé, on peut se demander si c'est la vraie réponse. Autrement dit, est-ce que la réponse c'est de continuer de fabriquer des sacs ou de repenser nos usages? Et donc il y a des réponses techniciennes ou techno-euphoristes, disant bien finalement la réponse est technique, un problème qui ne serait que technique, ou est-ce que la réponse elle est éthico-politique? C'est qu'en fait une petite révolution des mœurs en réinterrogeant le fait que dans nos gestes ordinaires, eh bien se joue quelque chose d'extraordinaire, la conscience prise de nos solidarités planétaires. Merci beaucoup Jean-Philippe Piron. De vous, on peut lire, je l'ai dit, Je éteins ou Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant aux éditions Actes Sud, Penser le développement durable aux éditions Ellipse, mais aussi plus sur Bachelard, Les puissances de l'imagination aux éditions du Cerf, et enfin paru tout récemment sur un autre sujet, Philosophie du soin, économie, éthique, politique et esthétique aux éditions Hermann. Merci beaucoup. Merci.

Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Carla Michel, Jules Barbier, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Jean-Guilain Meige, Hélène Losseur à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les déchets et demain, éloge de ce qui grouille, de ce qui rampe, de ce qui pullule, éloge de la vermine. À demain.